fidélité. Oui, pour la vie, pour tes camantis. Y'en des photos là qu'à traîner, et moi, peux pas oublier. Ça nous habille, ça nous habille. Dis-moi, où tu trahis, moi, gardez-moi dans le ciel.